a disparu après son examen de mathématiques passé dans la grande salle du lycée de Rumonge ce jeudi matin. Un examen compta pour la sélection des brigadiers. Ce candidat brigadier qui s'était passé pour un moutois a été dénoncé par d'autres batois. Il n'est pas des siens et qu'il risque la prison s'il continue dans cette aventure. L'intéressé a pris le large, se faufilant à travers les autres candidats, selon OPS1 Donatien Manirakiza, commissaire provincial de police à Rumonge. Après son départ, 4 batois sont restés dans la course. Le 5e n'ayant pas été présélectionné pour n'avoir pas réussi à la 10e année. Dans tous les cas, 5 batois sur 278 candidats brigadiers inscrits sont peu nombreux. Gervais Damba, représentant des batois de la commune Rumonge, explique que ses confrères sont peu sont ceux qui dépassent la 6e année et les invite à se consacrer aux études, quitte à avoir dans l'avenir des candidats officiers. Aucun candidat moutois ne figurait en effet sur les 49 candidats officiers qui étaient inscrits dans cette catégorie avant la présélection à Rumonge. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Mes chers auditeurs, vous voudrez bien nous excuser de cette erreur de montage. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En page internationale, au Mali, la ville de Mopti prépare la tenue des élections communales du 20 novembre prochain. Mais la population se demande si la sécurité permettra l'organisation du scrutin partout dans la région. Et deux jours après la victoire de Donald Trump, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso se demande ce qui va changer dans les relations entre l'Afrique et les États-Unis. Enfin, restons aux États-Unis, dans une rencontre tenue ce jeudi entre Barack Obama et Donald Trump, celui-ci promet de faire tout son possible pour réussir. Les détails avec Christella Nizigama. Deux jours après la victoire de Donald Trump aux États-Unis, tous les gouvernements africains se demandent ce qui va changer dans leurs relations avec la première puissance mondiale. Alpha Barry, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, il indique que Donald Trump n'était pas le choix de nombreux Africains. Mais l'essentiel, c'est la coopération entre l'Afrique et les États-Unis sur les questions sécuritaires et sur les questions de développement économique. Il ajoute que l'Amérique est un grand pays. Celui-ci ne peut pas être absent dans les grandes questions internationales, y compris celle de l'Afrique. Toujours aux États-Unis, Donald Trump, l'homme d'affaires de 70 ans, récemment élu président de ce pays, est venu à la Maison-Blanche pour rencontrer Barack Obama, président des États-Unis, dans le bureau ovale. Au terme de cette rencontre de 90 minutes, M. Trump a promis de faire tout son possible pour réussir. L'homme d'affaires new-yorkais a en outre déclaré impatient de travailler avec le président démocrate et de recevoir ses conseils. Et enfin, dans le centre du Mali, le matériel électoral est arrivé et a été distribué dans la majorité des cercles. Mais quand on pose la question aux habitants de savoir s'ils croient aux élections, le doute persiste. Ils disent qu'ils espèrent que cette fois-ci ça va aller. Selon le site de la RFI Afrique, le nouveau gouverneur de la région, le colonel Sidi Samake, estime quant à lui que la recrudescence des actes de banditisme et de terrorisme de ces derniers mois est lié aux élections communales. Il indique que ces éléments sont en train de tout mettre en œuvre pour saboter les élections. Le nouveau gouverneur de la région fait savoir que tout est prévu pour sécuriser au maximum le processus électoral. Des renforts sont en train d'être déployés dans la région. Cela n'empêche pas les candidats d'enchaîner les meetings dans les rues de Mopti. Merci à Christella Nizigama pour cette page internationale. Ainsi se referme ce journal, mais je vous en rappelle les titres. Une centaine de cas de violence ont été recensés durant le seul mois d'octobre dans la province Cibitoke, c'est en commune Rugombo de la province. Dans cette province, la commune Rugombo vient en tête avec 39 cas selon un rapport du Centre de développement familial et communautaire dans cette province. Et un policier a été grièvement blessé au cours d'une attaque perpétrée dans la nuit de ce jeudi à vendredi, c'est au village de Pedo Kagwema en province Bubanza. Les diplômes qui vont être décernés aux lauréats du centre de formation de Kigome ne changeront pas de nom, comme l'espéraient les élèves de cet établissement. L'explication vient de Pascal Nchimilimana, directeur général de l'enseignement des métiers. Et un candidat brigadier qui s'est fait passer pour un moutois a pris fuite après être dénoncé par d'autres batois. C'était ce jeudi lors de la passation cessation du test pour les candidats désirant intégrer le corps de burundais de sécurité. Vous l'avez entendu, c'était en province Rumonge. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à Eric Ouimana qui a assuré la mise en onde. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir.